Bonjour Sophie Delpont, vous revenez de Matignon et vous avez assisté à la conférence de presse de François Fillon. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de défendre sa politique malgré la dégradation de la note française. Un exercice périlleux, Sophie. Oui, ce n'est pas de notre faute, c'est à cause de la crise européenne que la France a perdu son triple A. C'est ce qu'a voulu démontrer François Fillon tout à l'heure. Le Premier ministre a souligné que l'agence de notation Standard & Poor's a estimé que les mesures de rigueur annoncées allaient dans le bon sens, selon elle, mais que la crise de la zone euro touchait désormais officiellement la France. Pour le Premier ministre, la suppression d'un poste de fonctionnaire sur deux et la réforme des retraites notamment auraient permis d'éviter une plus forte dégradation. Malgré la perte du triple A, aucune raison de changer pour l'instant la prévision de croissance pour l'année 2012, selon François Fillon. L'objectif de 3% de déficit maintenu aussi d'ici 2013. Le Premier ministre exclut pour l'instant tout nouveau plan de rigueur, jugeant les mesures actuelles suffisantes à ce stade. Mais il propose quand même quelques ajustements, sans plus de précision. Il souligne que le gouvernement a mis de côté 6 milliards d'euros de réserves de précaution, qu'il présente comme une marge de manœuvre pour l'année prochaine. Il a quand même déclaré que ces 6 milliards pourrait correspondre à des annulations de dépenses, sans plus de précision là aussi, c'est-à-dire de nouvelles coupes budgétaires. Et donc le Premier ministre est également revenu sur la situation européenne. Oui, la dégradation de la note française ne changera pas les rapports avec l'Allemagne. Entendez, rapports de force, toujours selon François Fillon. Donc, si on comprend bien, les deux pays seraient censés négocier d'égal à égal, alors même qu'ils ne jouent plus, et c'est désormais officiel, dans la même catégorie concernant leur crédibilité économique. Au niveau de l'ensemble de la zone euro, le Premier ministre a exclu tout nouveau sommet de la dernière chance face à la crise. Concernant le Fonds de stabilité financière, le Fonds monétaire européen, là non plus, il n'y aurait pas de changement significatif, selon François Fillon, alors même que la France empruntera plus cher. Au niveau de l'Europe, enfin, il s'est contenté d'appeler à une mise en place rapide des décisions prises le 9 décembre dernier à Bruxelles. Merci à vous, Sophie Delpont.